Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 7 juillet. Beaucoup, beaucoup d'action ce matin dans le monde du sport. D'abord, à noter que c'était hier la 30e édition de la course à pied de Saint-Gédéon. Il y avait 313 coureurs qui étaient inscrits pour la circonstance. Dans la classe féminine, notons la performance de Marie-Claude Brassard de Saint-Jean-d'Arc. Elle a pris le premier rang aux 5 km avec un chrono de 18 minutes et 35 secondes. Aux 3 km masculin, Gabriel Lamontagne a pris le premier rang avec un chrono de 11 minutes et 4 secondes. La deuxième place est allée à James Cleary qui a terminé au deuxième rang. Chez les femmes, aux 3 km, notons que Marguerite Tremblay a terminé au troisième rang, elle est du Club du Mille du secteur de Dolbeau. Marguerite Tremblay qui a terminé avec un temps de 12 minutes et 35 secondes. Et au 1 km, Étienne Saint-Pierre du Club du Mille a remporté la victoire avec un chrono de 3 minutes et 26 secondes. Et chez les femmes, notons que Livia Saint-Pierre, qui est la sœur d'Étienne Saint-Pierre, a pris le deuxième rang avec un temps de 3 minutes et 52 secondes. Tant qu'à Sakan Cheno, elle a terminé au troisième rang avec un chrono de 3 minutes et 53 secondes. Le club de golf de Chicoutimi présentait la quatrième édition ou la quatrième étape du circuit junior régional. À noter que chez les Bantams 13-14 ans, Antoine Bouchard de Saint-Prime a pris le deuxième rang avec un pointage de 82. Chez les Peewee, notons la deuxième place de Julien Savard de Boumsesni qui a ramené une carte de 93 pour prendre le deuxième rang. On va parler des Jeux du Québec qui s'en vient à grands pas. William Maltais-Pilote sera celui qui va porter le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors des cérémonies d'ouverture des Jeux du Québec qui va être présenté au Stade olympique le 17 juillet prochain. C'est la deuxième fois que William Maltais-Pilote aura la chance de porter le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisqu'il l'a fait lors des cérémonies de clôture des Jeux du Québec en 2014 à Longueuil. William Maltais-Pilote œuvre en vélo de montagne et en cyclisme et aimerait terminer dans le top 5 dans les deux disciplines. On va parler maintenant de Philippe Lavoie. On sait que Philippe Lavoie de Saint-Jean-d'Arc a été sélectionné pour l'équipe du Québec en football pour participer à la Coupe Canada qui va avoir lieu à compter de samedi à Winnipeg. En entrevue hier sur les ondes de danradiosport.com, Charles-Antoine Sinot de TVA Sport qui fait partie de l'organisation de l'équipe du Québec pour cette Coupe Canada nous parle de Philippe Lavoie et il mentionne que c'est un excellent athlète. On va écouter là-dessus Charles-Antoine Sinot. Son gabarit au poste de secondaire fait en sorte que non seulement il peut jouer du football physique, mais aussi il a une belle mobilité. Donc dans un football à trois essais, parce que pour plusieurs de ces jeunes-là, ça va être la première fois qu'ils vont jouer du football à trois essais lors du tournoi. C'est sûr et certain que l'aspect aérien est crucial évidemment pour l'attaque, mais également pour les positions hybrides, c'est-à-dire les positions comme secondaire qui doivent être amenées à contribuer dans le jeu au sol, mais également en couverture de zone, couverture homme à homme. Donc ça pour dire qu'avec son gabarit et sa mobilité, son intelligence, il peut contribuer dans ces deux facettes-là du jeu défensif. Et comme je le disais aussi, les unités spéciales sont cruciales, donc tous ces attraits physiques vont être vraiment... Et en terminant, je termine avec des résultats de soccer, avec des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer du secteur. D'abord, en catégorie U16 féminin, victoire de Saint-Prime 2-0 sur Métabetchouan. Également, victoire dans la catégorie U16 masculin division 1 du FC Saint-Félicien 7-0 sur Dolbeau-Mistassini. Maintenant, au Parc Lyon hier, dans la catégorie senior masculin division 2, Dolbeau-Mistassini a défait le Chinook 6-3. Et en catégorie senior masculin division 2, Robertval United a perdu 5-2 contre le FC de Saint-Ambroise. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Gilles Larouche, le directeur général du club de golf de Saint-Prime. Également, je me suis entretenu avec Patrick Tropeano. On parle de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini. On a fait un vox pop une semaine après l'échange de Piqué Subban à Nashville. Est-ce que le Canadien a eu le meilleur sur les Prédateurs? Donc, les partisans du Canadien de Dolbeau-Mistassini se prononcent là-dessus. Et Alexandre Pouliot-Robert, journaliste indépendant pour RDS et également pour d'autres médias, nous parle d'Alexander Radulov. On sait qu'Alexandre Pouliot-Robert suit les activités de la KHL depuis quelques années. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.